L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'excès de rayons gamma de haute énergie en provenance du centre galactique provient probablement de pulsars millisecondes et non de l'annihilation de matière noire comme on pouvait le croire. C'est la conclusion de deux nouvelles analyses par deux équipes indépendantes publié aujourd'hui dans le même numéro de la revue Physical Review Letters. C'est en 2009 que fut observé par le satellite Fermilat un excès de photons gamma d'environ 2 GeV dans la direction du centre de la galaxie. Ce signal inattendu a depuis été la source de nombreuses spéculations et hypothèses, les deux restantes en lice étant des rayons gamma produits directs ou indirects de l'annihilation de particules massives de matière noire, ou bien des rayons gamma produits par des étoiles à neutrons en rotation rapide, des pulsars millisecondes. D'autres hypothèses avaient fait jouer un rôle au trou noir supermassif Sagittarius A star, ou bien à une zone de formation d'étoiles dans les nuages moléculaires du centre galactique. Mais ce que montrent ces deux nouvelles analyses, la première dirigée par Christophe Weniger de l'Université d'Amsterdam et la seconde par Samuel Lee de Princeton, c'est que l'émission gamma observée proviendrait de sources ponctuelles, non résolues, certes, mais bien ponctuelles. Or, si les rayons gamma étaient issus d'annihilation de particules de matière noire, il devrait provenir d'une vaste région et apparaître sous une forme diffuse, représentative de la distribution de la matière noire. Ces très forts indices de sources ponctuelles laissent penser que les meilleurs candidats pour les expliquer sont des objets astrophysiques, et notamment des pulsars millisecondes. Samuel Lee estime leur nombre à au moins 400. Les pulsars millisecondes sont des résidus d'étoiles ayant explosé il y a plusieurs milliards d'années. Il s'agit d'étoiles à neutrons qui tournent sur elles-mêmes de l'ordre de 1000 fois par seconde, ayant une masse d'environ 1,5 masse solaire pour un rayon de quelques kilomètres seulement. Les pulsars millisecondes sont parmi les objets les plus extrêmes de la galaxie. Ils émettent essentiellement des ondes radio de manière périodique, liées à la période de leur rotation, mais de nombreux pulsars produisent également des rayons gamma dans leur environnement proche via les interactions de particules chargées qu'ils induisent par leur champ magnétique extrême. Il se pourrait ainsi que quelques milliers de pulsars millisecondes se cachent au cœur de la Voie lactée, jusqu'alors non détectés par nos instruments non suffisamment sensibles pour les résoudre. Dans leurs analyses respectives, les deux équipes ont utilisé des techniques statistiques différentes et parviennent à la même conclusion, ce qui rend le résultat d'autant plus robuste. Des futurs radiotélescopes performants comme le Square Kilometer Array seront à même de détecter dans la décennie qui vient si des milliers de pulsars sont bien présents au centre de la galaxie. Si c'est le cas, cela nous fournira un éclairage important sur l'histoire de la Voie lactée et contraindra très fortement les modèles de matière noire. Dans le cas contraire, il faudra imaginer l'existence d'autres sources astrophysiques produisant des rayons gamma, à moins que la matière noire soit quand même bien là, mais se comporte bizarrement pour s'annihiler, en s'agglutinant dans des objets compacts. On ne peut encore rien exclure complètement. Ces deux articles sont donc parus dans Physical Review Letters l'un juste après l'autre. Ils se suivent exactement. Le premier s'intitule « Strong support for the millisecond pulsar origin of the Galactic Center JV XS » par Richard Bartels et al. Et le second « Evidence for unresolved gamma ray point sources in the inner galaxy » par Samuel Lee et al. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, restez bien informés surtout de tout ce qui se passe jour après jour dans le domaine de l'astrophysique. Et oui, Ça se passe là-haut, c'est le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Ce podcast est accessible sur les plateformes podcloud.fr ainsi que iTunes. À très bientôt donc, et d'ici là, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !